Marie-Thérèse Castano, l'homme créateur. L'homme créateur, il n'y a qu'un pas, l'esprit seul, est en mesure d'aider le monde l'espoir, en ce monde de destruction et de retrouver la véritable fonction de l'homme. C'est être un homme créateur disposant d'outils résonnant à l'unisson, et en perpétuel mouvement avec la nature et l'univers. L'homme lumière, l'homme créateur, l'homme est un point, assis entre les deux horizons, terre, nature, et ciel, univers. L'homme est percuté en permanence par ses horizons, pour échanger les énergies transmutées par le point. Il est pharaon. Le terme assis est enraciné par le coccyx racine. Les mains prennent les polarités célestes et terrestres, et par le coronal qui est dans l'axe de l'échange rapide. Cet état correspond à la représentation en Égypte du pharaon assis les mains sur les genoux. La mégala pharaon. Suivant son nom, il représentait une puissance céleste. La même médiatrice entre l'espace et la terre via le passage par le corps physique, qui alchimise ces deux énergies, redistribuées par son rayonnement à son environnement et à la terre. L'homme dégage un pouvoir qu'il ignore, parce qu'il n'en a pas encore pris conscience. Maintenant, il doit par l'application des lois, comprendre son pouvoir et la manière dont il doit agir. Le mot n'est que le véhicule de l'énergie. Je vous demande de lire mon livre en vous laissant emporter par les énergies plutôt que par les mots. Par les mots, vous abordez l'essence des mots, vous atteignez l'essentiel. Tout est très capable de comprendre ce qu'il fut. Tout est très capable de comprendre ce qu'il fit. Si cela est, il est capable de comprendre le pourquoi du maintenant. Il est capable de comprendre ce qu'il est. Il est sa capacité qui est son âme, son avoir des vies passées, son livre où il peut puiser à sa guise. Réfléchissez à quoi servent les mots. Ils sont à la fois simples, à sens unique, divers, à double sens. Tant de mots qui disent une chose qui ne peut avoir de sens avec les mots. Et, tant de mots pour dire une chose que vous pouvez tout simplement ressentir. Pensez avec le cœur, pas avec les mots. Qui a trahi Jésus? Les mots de Judas, pas son cœur. Qui annonce les guerres? Des mots du malentendu. Cessez donc de faire parler les mots. Quelle place ont-ils au milieu des énergies? Pour lire ce message, je vous demanderai de ne pas lire les mots. Si vous comprenez le sens de mon message, vous n'aurez retenu aucun mot. Pour certains, ce message paraîtra tout simple ou parfaitement idiot. C'est un message de l'école de la vie où chacun doit apprendre à vivre dans l'harmonie de l'autre et des êtres physiques ou invisibles qui l'entourent. Chacun trouvera ce qu'il a toujours cherché. Retrouver l'état christique. La communion à l'univers et à ses êtres par la spiritualité, la vie sacrée. Chacun verra ce qu'il est ou ce qu'il sera, dans la maîtrise totale de soi, des nerfs et de son ego, pour atteindre la sagesse de l'âme même. L'homme et son théâtre ne sont rien. Les décors tombent à un et l'homme ne sait plus où donner de la tête, car il n'a rien pour se raccrocher. Le développement du senti se fera dans la plus grande pyramide, entre le corps et l'âme. Chacun apprendra à travailler avec son corps dans le but de faire circuler les énergies, et d'apprendre à les récupérer et ainsi, avoir un corps aussi parfait et pur que l'âme, car l'un ne va pas sans l'autre. Chacun apprendra à vivre avec ce qui l'entoure, et à communiquer avec la nature avec toute l'humilité que son état doit lui inspirer. Chacun apprendra à communiquer avec la nature et ses esprits, les grands maîtres et ceux qui peuplent le haut astral. À vous, de voir ce que vous êtes. Ce chemin n'est sûrement pas celui de la facilité. Il est celui de la spiritualité. Il est le chemin de la vie. Notre bonheur, nous le créons par notre état d'être. Alors ne cherchez plus comment et pourquoi. Faites. Pour être et avoir la capacité de pénétrer le voile des choses. Si les énergies vous guident aux marges du ciel, elles peuvent très bien vous guider de l'autre côté. Si vous vous trompez de chemin, là, vous n'avancerez pas, car c'est vous qui l'aurez décidé. Si la foi, la conscience, peut vous transporter au-delà du réel physique, elle peut vous faire voir la plus belle sagesse. Plus de questions, si celles-ci sont futiles. Plus de oui pour celui qui cherche, mais des avances. Action, action et vigilance. Il est l'heure. Chrono, le dieu du temps, ne s'arrêtera pas une seule seconde pour vous attendre. Il avance. Que vous le vouliez ou non, cela fait des millénaires que l'homme s'est arrêté dans sa progression, au vu des maux de son état actuel. Conjonction Uranus-Neptune, la préparation du futur, une décennie ou plus, question à laquelle l'année 1993, cette action se fera sentir jusqu'en 2003 ou 2013, soit une décennie ou deux, n'a sans doute pas manqué d'apporter une réponse à tous, autant sur le plan individuel que collectif. Cette conjonction est un cadeau, en ce sens qu'elle va permettre à l'être humain, une évolution à la verticale, axe du monde, c'est-à-dire rapide, au lieu de passer par les cycles lents de l'évolution en spirale. Il faut que l'homme saisisse sa chance. C'est le passage du Christ, ciel et terre, des deux natures, divine et humaine. C'est maintenant que l'homme doit se transformer, c'est ce que l'on appelle vivre sa croix. On entend souvent dire que le Christ va revenir. Il est là. L'énergie christique est là, laissée à notre disposition. À nous de faire l'effort nécessaire pour s'y abreuver. Si les énergies de ce cycle de conjonction n'ont pas été assimilées et mises en pratique pendant l'année 1993, en 2003, elles seront reportées jusqu'à leur assimilation par l'homme. et ceci, de décennie en décennie, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. L'état actuel de destruction de notre civilisation démontre que nous n'avons pas du tout assimilé et utilisé les énergies disponibles grâce à la bienveillance de l'univers. Alors, préparez-vous à la révélation de vos idéaux les plus chers. Préparez-vous au face-à-face avec vos aspirations, les plus élevées comme les plus profondes. C'est là que nous allons comprendre si ces aspirations relèvent de notre âme ou de notre ego. Bien des surprises en perspective, quand la foudre uranienne tombera sur nos rêves neptuniens, qui pourrait bien tourner au cauchemar, si la vérité révélée désintègre nos illusions. Uranus correspond dans la religion chrétienne à la puissance du Christ, l'axe central qui accélère notre évolution. Neptune représente Bouddha, la totalité de la mémoire céleste ou universelle. Il nous donne l'expansion de l'axe. Après un très long cycle, Uranus et Neptune se retrouveront pendant les années 1993 à 2003. Ils mêleront par trois fois leur impact. Une première fois, février 1993 ou 2003, pour se faire remarquer. Une deuxième fois, août 1993-2003, pour nous faire réfléchir. Une troisième fois, octobre 1993-2003, pour une dernière impulsion au changement. Pendant toute cette période, un grand courant de transformation et de croissance accélérée nous est proposé, une perche tendue à l'élévation pour griller les étapes, pour prendre l'ascenseur et nous propulser à la vitesse de la lumière. Encore, faut-il accepter de se plier à ce courant, et accepter humblement d'être un élément de vie de ce tourbillon qui peut nous propulser si haut et si loin. Encore, faut-il quitter la rive et faire confiance à cette eau de vie. Encore, faut-il accepter la promiscuité avec les autres nageurs qui, à un moment ou l'autre, ne manqueront pas de nous frôler ou même de nous heurter plus ou moins durement. Enfin, on l'oublie peut-être, faut-il tendre la main pour échapper au piège des sables mouvants. Bref, afin de saisir le bienfait total de cet élan, il faut alchimiser ces énergies pour s'éloigner de nos peurs, de notre intolérance, de notre orgueil et de notre égoïsme. De surcroît, quand dans cette inondation vous serez entouré par les éclairs, profitez-en pour vous diriger vers le bon chemin. Alors là, il ne faudra pas traîner, ne pas vous poser trop de questions, ni regarder en arrière. Cette phase peut se dérouler avec fracas. Par contre, si elle est bien vécue, elle débouchera sur le paradis retrouvé, l'Atlantide. L'Atlantide évoque une loi divine, celle de l'homme créateur. Lorsque l'homme n'utilise pas ses facultés de création par les forces du verbe et de la pensée, il ne peut être qu'englouti. Voici la véritable signification de l'Atlantide, un monde englouti. Pourquoi englouti? Parce que ses habitants ont failli à la loi de la création. Ils ont perdu le verbe créateur. L'Atlantide aurait dû rester une civilisation d'hommes créateurs. Dans notre civilisation, beaucoup de gens se sentent des affinités avec l'Atlantide. Ils se souviennent d'une incarnation atlantéenne. Ils se retrouvent actuellement dans le même état d'esprit destructeur qu'en cette période. Ils doivent réparer leurs erreurs passées, afin de retrouver leurs facultés. Pour repartir d'un bon pied dans la civilisation présente, il n'y a qu'un pas à franchir. D'autres êtres réincarnés venus d'autres civilisations, et d'autres planètes sont dans le même cas. En fait, l'humanité actuelle est constituée d'une part, d'êtres incarnés venus réparer leurs erreurs de destruction née, d'autre part, d'êtres créateurs qui ont un dharma pour les aider. Enfin, d'autres âmes se sont incarnées pour leur propre évolution. Comment identifier un être qui est incarné pour réparer son karma d'un créateur venu sur Terre pour appliquer son dharma? Le premier continuera dans la voie de la destruction ou alors, il se posera des questions qui l'amèneront à changer progressivement sa manière d'être et de faire. Le deuxième apportera des solutions pour reconstruire dans le schéma évolutif, car son devoir est de compenser l'état de déséquilibre. Il sera un pêcheur d'hommes. Grâce à cette conjonction Uranus-Neptune, nous avons une nouvelle chance de retrouver les facultés que nous avions maîtrisées lors de notre vécu au sein des grandes civilisations. Pour ce faire, il faut d'abord régler le karma. Du point de vue karmique, une phase vécue de façon rigide et fermée au changement peut devenir dramatique. C'est le cas dans le comportement suivant où toutes les occasions sont bonnes pour résister au courant, je ne quitterai pas la rive. J'y suis bien. Je ne m'occupe pas du reste. Je ne sais pas nager. J'ai peur de l'eau, etc. Si nous restons sur la rive tout en maugréant sur notre sort, il suffit de regarder autour de nous, à l'échelle individuelle et mondiale, pour prendre conscience de ce qui nous attend si nous ne lâchons pas prise. C'est une vague de changement qui est à notre porte. Toute résistance est inutile, car elle provoque inévitablement impatience, colère, violence et révolution. Cela se manifeste chaque jour. De plus, ce changement concerne la planète entière. Il s'agit d'un phénomène dépassant les frontières, bien au-delà de nos petits égos gonflés par le vent. Ainsi, si l'homme ne saisit pas l'opportunité d'une remise en question cette année, s'il préfère répéter ses anciens comportements, il vivra inévitablement le courant présent de façon destructrice et douloureuse. Tout cela à cause de la toute-puissance dégagée par la conjonction des planètes Uranus et Neptune. Puissance hautement nucléaire, touchant au plus profond de la cellule et de l'atome de toute chose, elle atteindra des domaines dépassant l'entendement de l'homme et elle influera sur des mécanismes biologiques subtils et profonds. Cette puissance doit être maîtrisée et parfaitement intégrée afin d'éviter toute destruction. Sa maîtrise peut s'acquérir au prix d'un changement intérieur très subtil. Sans ce changement, divers éléments de la cellule peuvent être profondément perturbés. Alors, en ce qui concerne les êtres qui ont de la difficulté à rester les pieds sur terre, à se brancher à la réalité, l'on peut s'attendre à une multiplication importante de maladies physiques telles différentes formes de cancer ou de maladies à caractère psychiatrique telles la névrose ou la psychose, sans compter divers problèmes reliés à la moelle épinière. Cette puissance mise au service d'un mécontentement généralisé peut être source d'extrême violence, guerre, terrorisme et famine, provoquée par une volonté d'anéantissement de la population, afin de mieux nourrir les dieux argent et pouvoir. La nature peut également intervenir pour favoriser certaines remises en question. Tout ce scénario a pour but de replacer l'humanité sur le bon chemin. Neptune symbolise l'accession aux hautes sphères, là où se manifeste la puissance de l'amour divin, alors qu'Uranus symbolise l'éclair de la lumière irradiante. La conjonction de ces deux planètes verra tant la manifestation d'éclairs, flash, dans les idéaux personnels et collectifs, que la destruction personnelle ou collective. On pourrait aussi observer plusieurs prises de conscience subites. Si vous me demandez de faire des prévisions astrologiques, je vous répondrai que cela dépend de la réception de ces éclairs et de la qualité des idéaux que vous poursuivez. Certains discréditent l'astrologie en disant que ce n'est pas une science exacte. Encore là, tout dépend de la prise de conscience de chacun par rapport à cette réalité. Chez les êtres destructeurs, les effets planétaires provoqueront des réactions destructrices. À l'inverse, chez les êtres ouverts, ces mêmes effets planétaires favoriseront des réactions constructives et des ouvertures de conscience plus importantes afin de les aider dans leur évolution. L'astrologie, notre thème astral, représente les axes des planètes, des maisons, ainsi que les étoiles qui favoriseront une poussée vers l'avant dans le cheminement de l'âme. L'âme représente les sons de l'espace qui donnent la mélodie. La mélodie complémente le son en rapport avec son évolution. Les sons égalisent aussi la mélodie. Le son est le char porteur des puissances des lois. Les couleurs interviennent quand l'âme est disponible. Elles permettent de voyager dans toutes les directions par le mouvement. Avec les étoiles, nous sommes guidés et les minéraux neutralisent les énergies. Par son comportement, l'homme influence la nature. Il reçoit sa nourriture non seulement de la Terre, mais aussi de l'univers par l'influence des planètes à travers sa destinée. De ce fait, l'astrologie a son importance suivant notre thème de naissance. Elle nous fournit les outils dont nous pouvons nous servir. L'astrologie n'est pas, comme on le croit généralement, un outil qui permet simplement de prédire l'avenir. N'oublions pas que tel est notre présent, tel sera notre avenir. Nous pouvons effectivement anticiper l'avenir ou le changer et le créer quand nous savons nous servir de la magie de la vie. C'est une boîte à outils pour la compréhension des éléments qui interviennent dans notre cycle. Les planètes et les étoiles représentent des énergies mises à notre disposition pour agir sur notre destinée. C'est notre passé qui détermine notre potentiel de naissance. Nous choisissons le moment de notre naissance en lien avec une disposition planétaire donnée, et en fonction de son potentiel. Le lieu de naissance est aussi en correspondance avec cette énergie. À la naissance d'un être humain, son âme influence le lieu et lui apporte son énergie pour l'aider dans son évolution. De surcroît, la Terre en bénéficie. Nous prenons la mémoire des planètes de ce jour et de l'environnement. Elle est inscrite en nous pour accomplir une œuvre bien déterminée. Cette œuvre est la croissance de la mémoire de l'âme, l'avoir. Le savoir lui est donné chaque jour par les énergies du cosmos et de la Terre en plus de nos acquis. Le savoir donne à l'âme le pouvoir d'agir dans sa vie de tous les jours, et son devoir est de rester intègre sur la voie inscrite dans le cosmos. L'homme redonne les énergies transmutées par son âme pour échanger avec tout ce qui est vie sur Terre. C'est le rôle de l'être humain en tant qu'intermédiaire entre le ciel et la Terre. Le savoir, le pouvoir et le devoir accompli font croître l'avoir qui est l'âme ou le soi. Les planètes nous aident ou nous desservent en fonction de notre état intérieur tout au long du parcours de vie terrestre. Si nous nous écartons de la loi divine, nous semons de la mauvaise graine, et la récolte ne correspondra pas à l'ordre divin. L'ordre est toujours là, en résonance juste. Elle nous renvoie à nos bonnes ou mauvaises semailles. C'est cela la justice divine, nous recevons ce que nous méritons. Les énergies des planètes sont, comme une nourriture qui nous permet d'être, en permanence, intégrés au mouvement du tout. Nous les utilisons par la pensée pour agir en dehors de nous ou sur nous, lors d'un problème dans notre corps. Tout au long de notre vie terrestre prédestinée, les astres ayant une présence significative sur la carte du ciel de notre naissance deviennent des catalyseurs. Ils agissent quotidiennement sur la puissance des astres de l'univers, pour également les retransmettre à la Terre. Suivant notre état d'esprit, ces catalyseurs sont destructeurs ou constructeurs. Ils devraient être Tao, voie entre les deux forces afin que soient assimilées les polarités de la Terre et de l'univers unifié. L'âme est une représentation cellulaire des sons de l'univers. Une horloge intérieure de l'univers qui reflète et propage des données, et des interventions célestes en nous. Ainsi, notre âme transmet en nous et échange des données de vie. La vie est une maîtrise de soi dans son incarnation. C'est cela être vivant ou éveillé. Un être qui n'a pas encore la maîtrise de lui-même est mort et saint, même s'il respire encore. Quand nous parlons du royaume des morts ou du livre des morts chez les Tibétains et les Égyptiens, il s'agit du cheminement ou de l'apprentissage pour devenir un initié à la vie. La vie, c'est la magie où tout peut être manié et créé. La vie est la Tanor de l'alchimiste. Tout le visible doit poursuivre son évolution et passer dans l'invisible, le verbe, la pensée, l'au-delà. L'invisible veut dire, le verbe 4 la pensée égale à création. Pour devenir réceptacle des sons égal à la barque, nous devons reconstituer, le soi, notre âme, l'évolution de notre incarnation et celle de la terre-mère. Tout doit être à la dimension de notre incarnation. L'énergie mémoire de l'univers, réagit en résonance avec notre âme, et nous envoie l'énergie qui nous complémentera en correspondance avec les planètes de notre thème natal. La terre et notre corps résonnent à l'univers du son. Tout est fait pour que les nouvelles mémoires, agissent très vite et nous fassent évoluer. Elles arrivent comme les vagues de l'océan, et nous permettent de construire, et d'être propulsées à l'échelle supérieure de la vie. Quand nos planètes émettent en permanence des sons justes, elles sont régies et échangent avec les planètes du jour. Elles facilitent en nous les entrées et les sorties de toutes les énergies, et elles agissent sur les mécanismes des mouvements des sons de notre âme. Elles se répercutent sur le miroir cellulaire de notre corps physique, car tous nos organes correspondent aux planètes, et résonnent avec celles du thème astral de notre destinée. Quand nos planètes sonnent faux, les entrées et les sorties des énergies sont difficiles et nous souffrons dans notre corps. À cet égard, les initiés souffrent souvent dans leur corps, parce qu'ils compensent les énergies de l'environnement, alors que les mécanismes du corps physique sont engorgés. Le feu lumière Christ qui pénètre, c'est la souffrance du corps. Notre âme est la représentation cellulaire miroir des sons de l'univers céleste. Quand le son émis par nos pensées vibre mal, et qu'il se déforme par nos apparences et les mémoires du lieu, tout devient destructeur en nous. De surcroît, cela se répercute dans le pays où nous sommes nés. Mais tout peut reprendre sa place car les planètes résonnent avec la conscience de l'univers, octave, qui possède des notes d'évolution. Cela permet l'apparition de transformations en soi et sur Terre. Cette octave conscience nous place en face de nos blocages, c'est-à-dire que, par sa résonance d'évolution, elle grossit et amplifie nos défauts, pour que nous puissions mieux les voir et les corriger. Si le blocage ne se dissout pas par notre compréhension, cela occasionne une stagnation d'énergie et baisse notre fréquence vibratoire, ce qui nous amène à la maladie. La Terre représente une forme, une octave, des notes plus ou moins importantes de vie, qui s'amplifient avec notre évolution. Dans la vie, tout est réversible du jour au lendemain, si nous sommes à l'écoute de notre paix intérieure. L'évolution touche l'âme, notre vie intérieure. Elle touche le haut astral où se retrouvent les guides de la vie, les êtres de lumière. Ils peuvent intervenir en nous apportant des informations pour notre évolution, à notre demande, surtout si nous sommes à l'écoute. Le bas et le haut s'appellent la queue du monde. L'univers est en perpétuel renouvellement, il féconde les cellules mères que sont les planètes abritant toute forme de vie, des échelles supérieures à soi. Notre âme reçoit cette alchimie et représente l'univers. Voilà pourquoi notre corps et notre âme, réceptacle, atanor, sont si importants pour l'évolution. Il faut absolument les préserver de toute pollution quelle qu'elle soit. Tout ce qui existe sur Terre est en mémoire dans le corps humain. Notre corps et notre Terre ne font qu'un et notre propre évolution fait évoluer la Terre. Dans la Genèse, Dieu créa l'homme à partir d'une poignée d'argile, symbole de la Terre dans notre mémoire. Exemple, si nous sommes de nature pessimiste, nous allons vivre toutes nos planètes de manière destructrice. Alors, il ne faudra pas s'étonner d'avoir de la malchance. Pour vivre véritablement sa destinée, il faut être Tao, axe central les deux forces unifiées, donc, toujours garder l'équilibre entre le ciel et la terre, de nos pensées et de nos actions. Nous faisons toutes les corrections nécessaires, quand nous prenons conscience de notre état d'être. Être toujours en paix intérieure, c'est être en harmonie avec les sons de la terre et de l'univers. Les planètes, chaque planète est à la fois, une qualité et son contraire. Le soleil, le rayonnement, la générosité. Maître du lion. Son élément, feu. Sa couleur, or la lune, la sensibilité, l'expansion, l'intuition, le loup, la mémoire. Cet astre est maître du cancer. Son élément, eau. Sa couleur, argent. L'union du soleil et de la lune, nous permet d'être dans l'élément eau, quand l'élément feu céleste ou terrestre nous nourrit et inversement. Mercure, planète de la transmission, de la communication, la messagère, le semeur par la pensée, le mental supérieur. Elle permet à la fécondité de s'actualiser. Elle est la Tanor des alchimistes. Pour avoir les qualités de cette planète, il faut tout d'abord être crucifié puis passer dans l'au-delà, être en contact avec sa propre mémoire, le cercle. La barque est prête pour un nouveau contact. Le son est transmis, l'appel. La réponse viendra dans un cycle mercurien, 3, 6, 9, etc. Maître des Gémeaux et de la Vierge. Son élément, air. Sa couleur, gris. Pluton, planète du guerrier ou de l'alchimiste, de la transmutation poussée vers le haut et bas, le révélateur. Il est à la fois lumière et ombre. C'est le magicien, maître du scorpion. Son élément, feu. Ses couleurs, rouge foncé et noir. Mars, planète de l'action, le char de l'esprit, de l'ordre cosmique, l'organisateur. Maître du bélier. Son élément, feu. Sa couleur, rouge. Vénus, planète des arts, de la beauté, de l'harmonie, de l'acuité sensorielle, de la télépathie. Elle ouvre notre soleil levant. Ainsi, grâce à son action, notre âme prend de l'expansion. Maître de la balance et du taureau. Son élément, air. Sa couleur, bleu. Jupiter, planète du mouvement et de l'ouverture totale. Maître du sagittaire. Ses éléments, eau et air. Sa couleur, vert. Saturne, planète de la lumière et de l'ombre, de l'élévation, de la détermination et de la rigueur. Maître du capricorne et du verseau. Son élément, terre. Sa couleur, noir. Neptune, planète de la médiumnité et des facultés supranormales. Il gouverne le subconscient, la contemplation. Maître des poissons. Son élément, eau. Sa couleur, vert foncé. Uranus, planète du Christ qui provoque des changements et des bouleversements subis. La foudre, le progrès. Maître du Verseau. Son élément, air. Sa couleur, violet. Les révélations de Pluton. Chaque période où la planète Pluton reste dans un signe du zodiaque donné, cela indique une qualité permettant d'exprimer la fonction de Pluton, c'est-à-dire l'art de la transformation dans les profondeurs, de l'alchimie et de la création. Pluton est un révélateur et un alchimiste des qualités ou des défauts propres à chaque signe. Il les amène au mariage de ces deux forces, destructrice et constructrice. Depuis 1900, Pluton est resté en Gémeaux jusqu'au 26 mai 1914. Du 26 mai 1914 au 3 août 1938, il était dans le signe du Cancer, période d'environ 24 ans. Du 3 août 1938 au 10 juin 1958, il était dans le signe du Lion, période d'environ 20 ans. Du 10 juin 1958 au 30 juillet 1972, il était dans le signe de la Vierge, période d'environ 14 ans. Du 30 juillet 1972 au 28 août 1984, il était dans le signe de la Balance, période d'environ 12 ans. Du 28 août 1984 au 27 novembre 1995, Pluton était dans le signe du Scorpion, période d'environ 11 ans. Pluton entre en Scorpion, en marche directe, le 5 novembre 1983. Il rétrograde dans le signe de la Balance, le 18 mai 1984. Il entre une fois pour toutes, en marche directe, dans le signe du Scorpion le 28 août 1984. Il quitte une première fois le signe du Scorpion, et entre en Sagittaire le 17 janvier 1995. Il redescend en Scorpion par rétrogradation, le 21 avril 1995. Il quitte définitivement le Scorpion, et entre en Sagittaire le 10 novembre 1995. Depuis novembre 1995, Pluton est dans le signe du Sagittaire. Il y restera jusqu'en novembre 2008, période d'environ 13 ans. Par la suite, il entrera en Capricorne, le 27 novembre 2008. D'après ces éléments, on observe que les périodes de passage de Pluton dans un signe ont été minimales dans les années 1984-1995. Son orbite se trouvant alors au plus près de la Terre, il se trouvait dans le signe du Scorpion, qui est précisément le signe qu'UGL gouverne. Sa position d'alors a prédisposé la Terre et ses habitants à une importante influence des qualités de la planète Pluton. Cela concernant particulier les enfants nés pendant cette période. Ils ont Pluton dans le signe du Scorpion dans leur thème de naissance. Ils sont marqués de cette empreinte qui va contribuer à manifester un jour ou l'autre de fortes valeurs plutoniennes, qu'elles soient destructrices, violence ou constructrices, transformateurs. Pluton est dans son signe donc, doublement Pluton. Ce sont des âmes de guerriers venues pour accélérer le processus de croissance des pensées semences déjà transmutées par Pluton dans les autres signes. Il est intéressant de constater que les jeunes nés durant les premières années de cette période ont atteint l'âge de la majorité, 18 ans, aux environs de 2001. Les plus jeunes ont 7 ans. Comment ont été assimilées les opportunités de cette période par les éducateurs de ces jeunes et par ces jeunes eux-mêmes? C'est ce que les temps actuels et futurs vont révéler. Dans le comportement de cette génération, on peut s'attendre au pire comme au meilleur. Elle pourrait faire preuve de tendances destructrices, impitoyables et inconcevables ou, au contraire, participer à une régénération libératrice et créatrice. Une des fonctions essentielles de Pluton étant la création, que l'on peut concevoir comme une projection de soi, on assistera à des forces de projection phénoménales de la part de ces jeunes. Surtout si ces forces s'accompagnent de remises en question et d'ouverture de conscience. Elles auront pour effet de décapiter de façon constructive les mentalités, les schémas et les habitudes pour initier une profonde transformation et enfin, déboucher sur de nouveaux concepts. S'il n'y a pas de remise en question, ces forces ne feront qu'amplifier d'une manière phénoménale l'intolérance, le non-respect de la vie et la destruction. Facile. Surtout si l'on accuse toujours Pierre, Paul ou Jacques d'être à la source de tous les problèmes. Lumière égale à Troubadour, ou égale à Patrie d'Abraham, la remontée de nos astres intérieurs, le miroir de l'espace. Pluton en scorpion, la basse est ignorée, la reconnaissance de l'énergie Christ, l'approfondissement des lois dans les cellules, la mémoire du passé retrouvée, la mémoire décodée, la mémoire achevée. Pluton en sagittaire, l'élévation, la générosité, la marginalisation, la mémorisation de la loi de l'amour, la réflexion autour de soi pour le bien-être de tout ce qui vit. La destinée lorsqu'une âme doit s'incarner, elle prépare sa destinée par rapport à sa vie précédente. Elle a un objectif à poursuivre, un but à atteindre. Les lignes principales de sa destinée, étant déjà inscrites lors de son incarnation, l'âme doit compléter le livre de sa vie. Chaque jour, pas à pas, elle applique les principes de vie universels. Cela s'applique aussi lorsque l'on veut dessiner. On fait d'abord une première esquisse. Au fur et à mesure, par l'observation d'ombre et de lumière, avec les couleurs, on continue le dessin jusqu'à sa forme finale. Il en est de même pour la vie d'une âme. Chaque jour, elle se trouve devant les énigmes du sphinx qu'elle doit résoudre. C'est à ce moment-là qu'elle écrit les pages de sa vie, à partir de ses observations en utilisant les capacités reliées à son niveau de conscience. Tout au long du chemin de sa vie, elle rencontre les erreurs passées, qu'elle peut corriger en prenant conscience. Les outils dont elle dispose sont les menus des planètes, qui ont une grande influence sur son comportement. Notre destinée est écrite dans le thème astral de naissance avec les planètes, et les maisons ainsi que les étoiles. Les nouvelles rencontres nous aident, car rien n'arrive par hasard. Tous les signes, si nous savons les décoder, indiquent le chemin à suivre. Ce principe n'est laborieux que si nous ne le prenons pas comme un jeu. Le jeu de la vie. Lorsque nous atteignons notre destinée dans cette incarnation terrestre, cela veut dire que nous détenons tout le potentiel inscrit dans la mémoire des vies passées. Cela signifie aussi que nous nous sommes séparés de la mémoire destructrice de nos aïeux. Le corps physique a en mémoire toute la génétique physique d'une part et, d'autre part, l'ensemble des actions positives et négatives de nos parents. Nous ne naissons pas par hasard dans telle ou telle famille. C'est l'âme qui choisit le corps dans lequel elle va s'incarner, car il est en correspondance matérielle avec ce qu'elle doit acquérir. Si la personne suit bien sa destinée, elle corrige tout ce qui est mémorisé dans son corps physique. Elle se libère de cette mémoire pour construire son véhicule, afin que son âme puisse s'installer et s'exprimer librement sur Terre. Cette manière de faire nous permet d'effacer les karmas de nos familles, mémorisés dans l'aura de la Terre. Pour atteindre la perfection par la transformation des défauts, l'on doit travailler sur l'accélération de l'ouverture de chaque chakra égal à sphère, en passant par les quatre éléments et les sept notes de musique. Chaque fois que vous avez acquis une ouverture totale du chakra, on assiste à une mort et à une renaissance, la crucifixion. Tout ceci se répète chaque fois, accélération des sept chakras. Le travail se fait en spirale. Le passage Tao se fait au centre dans tous les éléments, c'est-à-dire l'axe. Ceci s'appelle le soleil. Le pouvoir reptilien, les deux serpents enroulés sur un axe, représente les deux piliers force de la Terre, Mars, feu et fer, enfer. C'est le chemin obligatoire, qu'empruntent les énergies de Neptune, au du tout. Neptune régit toutes les planètes au. C'est l'équilibre yin-yang des pouvoirs de Neptune. C'est par ce mouvement de montée et de descente du yin-haut et du yang-feu que l'énergie de l'homme s'allège et devient subtile. Cette force subtile est le verbe son, parole et pensée. Ces deux serpents en mouvement, énergie terre-ciel, évitent la folie et les excès destructeurs, dus à un Neptune mal vécu. Les serpents yin et yang représentent le passage des forces de l'énergie des planètes, qui constituent et nourrissent notre moelle épinière. Cela permet à la lumière, unifiée aux cellules du feu de l'éther, la programmation des puissances célestes données. Cela agit directement sur l'ADN grâce à des récepteurs dans le noyau de la cellule de l'âme. C'est ce qui permet le renouvellement de l'ADN des âmes lors de la fécondation par les puissances des astres. Il peut se produire des manifestations d'agressivité intérieure et extérieure à cause des blocages. Ces blocages peuvent être dus à de mauvaises actions, ou à l'insatisfaction de désirs immodérés. Cet état est régulé par l'hypophyse. C'est dans les pieds de l'âme que se fait cette fécondation par les puissances célestes. Les surrénales sont la demeure des pieds de l'âme, siège de la fécondité et de la gestation des puissances divines. Les reins et les surrénales sont eau, et quand l'esprit feu de la lumière Christ pénètre l'âme, le corps physique ne brûle pas grâce à cette eau. D'où l'importance d'avoir des organes en parfaite santé. Il est écrit que Jésus marchait sur les eaux. En Égypte, les pieds d'Isis sont posés sur un croissant de lune. La lune est la mémoire de l'eau. C'est la barque où se posent les pieds d'Isimère du monde de la nature, représentant notre corps céleste, la nature de notre âme. Révélation et préparation, nous savons quelle mauvaise compréhension des choses règne partout. Cela est aussi vrai pour vous, qui êtes sur le chemin de la lumière. Nous savons quel doute vous parcourt. Christ a vaincu le monde. Malgré cela, vous voyez comment à notre époque, les choses sont difficiles. Le monde est sale. Les hommes sont destructeurs. Voilà ce qu'il faut comprendre, Christ a vaincu le monde. Le germe a été implanté. Il s'agissait d'une fécondation de la matière par l'esprit, et il faut 2000 ans pour que l'enfant naisse. Pour faire suite à son accouchement, la Terre meurt pour laisser toute la place au nouvel être. Plus grand et plus lumineux. Une femme qui accouche ne souffre-elle pas atrocement? Ne lui semble-t-il pas qu'elle va mourir? Pourtant, comme sa joie est grande quand l'enfant est né, il en est de même pour notre Terre céleste âme. Nous sommes dans les temps de la naissance du Christ sur Terre, de l'arrivée de l'Esprit. En même temps, nous fécondons la Terre pour les 2000 ans à venir. N'est-ce pas magnifique? Pendant les 2000 ans qui suivirent le passage du Maître Jésus, je suis un état d'être et de l'énergie christique nucléaire, le germe déposé au sein de la matière, a grandi en quatre phases de 500 ans. Aujourd'hui, Pluton amène à l'épuration. Pluton fait plus que chasser ce qui détruit l'ordre. Il fait se révéler le germe mûr et le pousse à la surface. Il pousse la lumière intérieure vers la lumière extérieure. Il fait sortir toute la noirceur qui recouvrait la lumière intérieure. Du coup, les temps sont durs. En fait, Pluton est l'élément activateur de l'alchimie terrestre. La maturation du germe est faite par d'autres planètes, et Pluton en est le déclencheur. Les choses peuvent vous paraître brutales, bien qu'il ne faille pas uniquement se fier aux apparences. Il faut aussi considérer ce qui viendra après ce Pluton tapageur. C'est le vrai Pluton que vous découvrirez. Plein de finesse et de subtilité, il apparaîtra portant dans ses bras de lumière, la récolte de 2000 années de maturation. La voie du Tao dans tous les mondes, permet le passage à l'humanité par la voie rapide, lorsqu'un plan doit être activé. L'apocalypse signifie révélation et accélération de croissance dans l'évolution. C'est en ces temps que, ressortent violemment toutes les anomalies, accumulées par l'homme. L'apocalypse veut dire révélation de ce que nous avons fait depuis le début de l'ère des poissons. Une ère est comme un sujet avec un thème, à développer et à maîtriser. Nous en sommes à rendre nos copies, afin de passer à une nouvelle ère, le Verseau. Où en sommes-nous donc rendus? L'apocalypse n'est pas que destructrice. Elle révèle les conditions de chacun. Elle paraît destructrice lorsque les personnes sont, elles-mêmes, destructrices. Lorsque les personnes refusent de changer, ce qui va mal en eux pour avancer dans l'évolution. On a ce qu'on mérite. Ni plus, ni moins. Dieu n'est pas injuste pour les personnes qui ne se sont pas ajustées aux lois universelles. Il vaudrait mieux qu'elles se posent la question suivante, qu'est-ce que j'ai fait ou pas, pour mériter ces calamités qui arrivent dans ma vie? Si nous souffrons tant, c'est que nous sommes durs à comprendre. Nous ne plongeons pas assez dans notre puits personnel, afin d'y remonter la solution adéquate. Il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes et non, à ceux qui se trouvent autour de nous. Beaucoup de situations qui se présentent, sont précisément là pour nous faire comprendre, ce que nous devons faire pour évoluer. Les signes sont là. Ils peuvent se présenter sous plusieurs formes, des personnes, des insectes, etc. Ils sont là, pour répondre à vos questions. Ne restez pas sur vos questions. N'attendez pas de réponse immédiate à vos questions. Continuez d'avancer et la réponse viendra en temps et lieu. Sinon, vous risquez d'interrompre le cycle d'évolution. Ma réponse de l'Égypte, ma passion pour l'Égypte a été assouvie. Voir sur place ces merveilles, me transportait dans le passé d'une civilisation d'hommes créateurs, qui connaissaient les mystères de la nature et de l'univers. Cela m'apporterait sûrement des éléments, qui m'éclaireraient dans ma recherche sur les ondes de forme. Je me sentais enfin chez moi. Mon corps vibrait à ne plus pouvoir le maîtriser. Je ne peux décrire exactement, ce qui se passait en moi tellement c'était fort, rapide et subtil à la fois. Toutes ces connaissances innées prenaient forme dans ma tête. Je pouvais lire les hiéroglyphes des fresques. À chaque temple que je visitais, les vibrations de mon corps étaient très différentes. Lorsque je me trouvais devant certaines fresques, les vibrations de mon corps changeaient, comme si ces fresques me parlaient et résonnaient à travers mes cellules. J'avais l'impression de réveiller une mémoire, et chaque hiéroglyphe m'en faisait sortir la signification. Ces écrits passaient par ma sensibilité cellulaire, et celle de mes sens pour que je me mette à l'écoute de ces ondes de forme qui me renvoyaient les sons. C'est alors que l'échange se faisait. C'est là que je vis et que je sentis la différence entre chaque hiéroglyphe. En même temps, j'avais la confirmation que j'avais déjà appris à lire les fresques. Tout au long des visites, il a fallu m'adapter à ce renouveau langage. J'ai une très grande difficulté à exprimer exactement ce qui se passait en moi en utilisant notre langage. Le problème est que je puis difficilement traduire avec nos mots ce qui est énergie. Les hiéroglyphes s'exprimaient à travers mon corps par le biais de visions, de couleurs, de sons couleurs, de chiffres, de parfums, de goûts. C'est de cette façon que j'ai pu décrypter les fresques et obtenir des certitudes. Les pages du récepteur et le livre de mon savoir ancestral tournaient. J'y retrouvais le langage de l'Égypte ancienne, langage divin, langage des oiseaux, langage universel, j'ai nommé la télépathie. La télépathie est une communication d'âme à âme utilisant différentes fréquences correspondantes au degré d'évolution. Les personnes se trouvant au même niveau fréquence se captent l'une l'autre. Une fréquence supérieure peut transmettre sur toutes les fréquences. C'est ce qui se passe avec les êtres de lumière. Le message est transmis en ondes vibratoires, qui se transforment en mots compréhensibles dans notre langue, par notre cerveau récepteur. Chaque temple décryptait la partie du corps, en correspondance et en résonance avec la Terre et l'espace. Rien n'est laissé au hasard car tout ce qui existe suit l'architecture de l'archétype de l'homme qui est orchestré par la Terre et l'espace. L'enseignement de Pythagore devenait très clair, Dieu géométrisa et les mathématiques, les chiffres sont tout simplement une manifestation du langage symbolique de l'archétype. Par exemple, le nombre d'or correspond au cheminement de la construction de l'archétype. Ce nombre d'or peut se multiplier dans l'espace à l'infini par rapport à la puissance de l'archétype. Tout est dans la structure des chiffres. Les Égyptiens, ces hommes créateurs, raisonnaient par analogie d'idées symboliques. Les lettres, chiffres, couleurs et sons, sont la résultante géométrique de la structure archétype de l'homme, homme universel, véritable pyramide vivante, et dépositaire des lois universelles. L'énergie de l'Égypte, la basse et la haute, représentaient l'image matière parfaite en ce temps. Ces êtres venaient de Sirius, la planète des avatars. Les temples devenaient pour moi, le livre ouvert de l'univers, dont je n'avais qu'à tourner les pages. Ce voyage fut très riche en événements ésotériques. Maintenant, les certitudes que j'avais conservées depuis mon enfance, étaient confirmées par ce voyage. Je pouvais aller plus loin dans les recherches du fonctionnement, et de l'impact des lois universelles sur nos plantes, nos corps et tout ce qui est vivant sur Terre. Où en est notre évolution ? Il faut une énergie colossale pour pouvoir à l'heure actuelle rétablir l'équilibre de l'univers. Nous la possédons tous, cette énergie. Simplement, au cours des millénaires écoulés, chacun au cours de son pèlerinage de la conscience universelle a stoppé son cheminement. C'est pour cela que nous sommes tant attirés par l'univers. C'est pour cela aussi que nous nous posons tant de questions. Ces questions créent un fossé entre le fait de devenir roi, archétype, homme universel, et là, où nous nous sommes arrêtés. Il faut comprendre ceci, c'est fondamental. Chaque point d'interrogation que nous soulevons est juste pour nous. Il ne doit pas demeurer car nous sommes avec la conscience universelle planétaire en permanence. À chaque fois que nous nous butons sur une question, elle représente un manque dans notre univers intérieur. Actuellement, ce sont les mémoires qui nous manquent pour être au même niveau que l'univers. Ô combien, il est immense cet espace. Posons-nous la question devant un miroir, cela nous situe par rapport à l'élément à partir duquel nous bloquons notre évolution, notre compréhension du savoir de l'ordre cosmique. L'évolution, c'est tout simplement de comprendre le fonctionnement des univers avec le nôtre, constitué de nos trois corps, ce qui permet d'élever la fréquence vibratoire de notre conscience. Si nous captions la souffrance des êtres divins sur Terre, et dans le ciel comme quelques-uns l'ont fait en fonction de la puissance de leur résonance vibratoire, à ce moment-là, nous nous mettrions immédiatement en route. Et là, des milliers de portes s'ouvriraient à des vitesses inimaginables. C'est pour cela qu'il faut augmenter notre taux vibratoire cellulaire pour pouvoir supporter l'énergie émergeant de ces ouvertures. Cette compréhension n'a rien à voir avec une compréhension matière, c'est-à-dire, raisonnée et mentale. Ce dont il est question ici est une compréhension énergétique et ressentie. Cela s'appelle la télépathie. La matière est l'aboutissement de tout un processus céleste, que l'humain ne peut concevoir. Si nous ouvrions d'un seul coup, notre champ de conscience nous serions réduits à l'état de poussière. Il faut donc développer la compréhension au fur et à mesure pour pouvoir l'intégrer, la digérer. Alors, s'il vous plaît, plus de questions inutiles, qui font faire du surplace. Cela ne veut pas dire plus de questions. Il serait tout à fait idiot de croire que nous n'avons pas le droit de nous poser des questions. La seule question que nous devons nous poser est, où me suis-je arrêté dans le cours de mon évolution vers l'univers ? À celle-ci, toutes les portes nous seront ouvertes. Chacun recevra le châtiment qu'il mérite, s'il persiste à arrêter son cheminement dans la compréhension. Seul un initié pourra châtier comme il se doit. Notons qu'ici, le mot châtier signifie envoyer, toute l'énergie compensatrice correspondant au taux de destruction que possède chaque individu. Comprenez bien ce langage. Il n'est pas punitif mais compréhensif. Le châtiment va amplifier ce que la personne est. Il va lui permettre de se révéler, ou de continuer son évolution ou dans le cas contraire, à involuer. À l'heure actuelle, la conscience de l'homme est bloquée. Seuls, les êtres divins sur Terre avec leur mémoire du passé, et du présent peuvent compenser cette énergie destructrice de l'homme. Grâce au châtiment d'un initié, nous pouvons faire le passage rapide par l'axe, sinon nous sommes obligés de suivre la spirale d'évolution des planètes en fonction de notre thème astral, c'est-à-dire de notre destinée, et cela est un processus qui se déroule beaucoup plus lentement. Quand Jésus dit qu'il restera parmi nous à jamais, c'est qu'il représente dans le céleste un passage à la verticale, ô combien détérioré, délaissé par l'humain. Ce passage existe par l'homme archétype et permettait auparavant, la communication permanente entre la terre et le ciel. Ce mécanisme d'échange de haut en bas et de bas en haut correspond au mot de Jésus, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Les personnes qui ont du mal à garder les pieds sur terre sont des personnes qui, à un moment donné, ont arrêté leur marche vers l'évolution. Elles ont cru bien faire en connaissant uniquement le céleste. Il n'en est pas ainsi, l'univers ne peut être constitué que par le haut, car le haut doit avoir son image reflétée en bas. Méditons sur ceci et ne nous brusquons plus. Lorsqu'il y a frottement, les querelles sont simplement des heurts de porte, notre potentiel énergétique, d'individus différents dans leur conception de la compréhension du ciel et de la terre. Si chacun descendait dans son puits intérieur, il pourrait ouvrir sa portée par-delà, celle de l'autre. Essayons de nous imprégner du poids de cette dimension née, à ce moment-là, la conscience va laisser entrer un filet de lumière, et devenir eau pour nous pénétrer.